t'envoie deux fois du mono. Genre, t'envoie une piste mono 1, une deuxième piste allocated channel, puis mono 2. Juste pour essayer de tricher, puis de te faire balancer deux fois plus. X-Meet, c'est envoyé. Ah ouais, attends, là, ça va être jouable. Vas-y, joue. Attends, deux secondes, j'arrive. Enfin, oui, tu peux continuer de jouer. Thank you.